France Inter, franceinter.com. Deux dates pour commencer. 15 octobre 1990, Mikhail Gorbatchev reçoit le prix Nobel de la paix à Stockholm. 13 janvier 1991, trois mois plus tard donc, les troupes spéciales soviétiques interviennent à Vilnius, capitale de la Lituanie. 14 personnes tombent sous leurs balles. Est-ce le même homme, le chouchou de l'Occident qui, après avoir été encensé en Suède, a ordonné ce massacre? Ou bien Gorbi, comme on l'appelle désormais familièrement à l'Ouest, a-t-il été victime d'un complot? Le début d'un processus qui conduira inévitablement à l'implosion de l'Empire et donc à la fin de l'URSS quelques mois plus tard. Telle est la question à laquelle M. X a choisi de répondre au cours de ce nouvel entretien. Une question qui demeure controversée aujourd'hui encore et qui peut se résumer ainsi. Gorbatchev est-il tombé dans un piège tendu par ses adversaires? Mais qui étaient ses adversaires? Les conservateurs putschistes qui tenteront au mois d'août 1991 de le renverser? Ou les modérés qui ont dénoncé un peu plus tôt sa dérive dictatoriale et qui, sous le drapeau de Boris Yeltsin, viendront à bout du régime soviétique peu après l'échec du putsch et démembreront l'URSS? La question est d'autant plus actuelle que l'homme fort de la Russie d'aujourd'hui, Vladimir Poutine, a toujours considéré que ce démantèlement avait été la plus grande catastrophe géopolitique qu'ait connue son pays et qu'il rêve de reconstituer cet empire défunt, par exemple en envoyant des troupes en Géorgie, en semant la confusion en Ukraine ou en resserrant ses liens avec les républiques d'Asie centrale, tout en appelant aux mannes de Staline. Магический манеж. Добро пожаловать в цирк. Willkommen, bienvenue. Крокодилы, лилипуты, клоуны. Силачи, жонглеры, дрессировщики. Шпрехтельмастер объявляет, что нас ждет, кто удивляет. И оркестр весело играет. Развеется душа. Welcome to the circus. Смех полезен, радость так важна. Выступают акробаты Дреман Гох. А силач дождем то изи айны тоны хох. Плет сей тонер тайм аплауз. Дизы шоу из ландних таус. И оркестр весело играет. Gorbatchev, vous le savez sans doute, a toujours nié avoir une quelconque responsabilité dans le massacre de Vilnius. Ah ben, à l'époque, il était quand même le numéro un de l'Union soviétique. Et cette dénégation dissimulait peut-être sa duplicité. C'est une possibilité qu'on ne peut pas tout à fait exclure. Alors, essayons d'y voir plus clair. Et avant de voir précisément le déroulement des faits, il faut aussi tenir compte du contexte international. À l'ouest, la grande affaire, c'est l'invasion du Koweït par Saddam Hussein. Mmh. Et déjà, les troupes de la coalition sont prêtes à châtier le dictateur irakien. Oui, ce qui sera effectif à la mi-janvier. Hein. Donc à peu près en même temps que l'affaire de Vilnius. Autant dire que le retentissement du massacre lituanien dans l'opinion occidentale en pâtira. Mais n'importe comment, il faut le dire tout de suite, les dirigeants occidentaux, à commencer par George Bush Senior, n'avaient aucune envie de se fâcher avec Gorbatchev à propos de la Lituanie. Mais même s'ils n'avaient pas été préoccupés par la guerre contre l'Irak ? C'est ce que je pense. Ah bon. On en reparlera peut-être. Il y a aussi le contexte intérieur. L'Arménie et l'Azerbaïdjan, deux républiques de la Fédération soviétique, s'affrontent par les armes à propos de l'enclave du Haut-Karabakh. Autre conflit, les Abkhazes veulent faire sécession avec la Géorgie et demandent leur rattachement à la Russie. Et cette question latente a d'ailleurs été à l'origine, en 1989, de grandes manifestations aux relances indépendantistes en Géorgie. Manifestations réprimées dans le sang par les forces soviétiques. Il y aura une vingtaine de morts. Ah oui, déjà, ce qui montre que lorsqu'il le faut, Gorbatchev ne répugne pas à l'utilisation de la violence. Exactement. Hein. C'est d'autant plus vrai que sa politique est vivement critiquée à l'intérieur des instances même du PC soviétique. Oui, il y a les modernes et les conservateurs, en gros. Ces derniers n'acceptant ni la perestroïka, ni la glasnost. Parce qu'ils pensent que ces réformes introduites par le secrétaire général finiront à terme par la liquidation du système. Et en ce sens, il faut reconnaître qu'ils n'ont pas tort. Oui, hein. Oui. Mais Gorby pensait très sincèrement qu'on pouvait transformer le régime de l'intérieur. Et dans cette mesure, il s'est lourdement trompé. Le système était trop sclérosé. Mais trop de pesanteur. Et de mauvaise volonté. Il faut ajouter que ceux qu'on présentait comme des démocrates, à l'instar de Boris Eltsine, ont tout fait pour lui savonner la planche. Mais enfin, vous savez tout cela. Mmh. Alors, intéressons-nous aux événements de Lituanie. Je ne veux pas remonter trop loin, car je vous ai parlé assez récemment de l'Estonie. Et il y a beaucoup de points communs dans l'évolution respective de ces deux pays baltes. Seule différence notable, la communauté russophone est proportionnellement moins nombreuse en Lituanie. Mmh. La Lituanie est aussi plus grande et plus peuplée que l'Estonie. En effet. Autre caractéristique, il existait dans le pays une forte implantation juive. Je crois même que Vilnius s'était appelé la Jérusalem du Nord. C'est vrai, et c'était un creuset intellectuel et culturel important. C'est même à Vilnius qu'est né le Bund, ce parti socialiste du Yiddishland qui a eu tellement d'influence en Europe de l'Est. Enfin, vous savez ce qui est arrivé. 90% de ces juifs lituaniens ont disparu dans les camps nazis. Ouais. Et la Lituanie comme les deux autres pays baltes, a connu l'indépendance entre les deux guerres mondiales avant de subir l'occupation soviétique, puis l'occupation allemande. Avant de revenir dans le giron de Moscou, ce qui a poussé un grand nombre de Lituaniens à choisir l'exil. On estime qu'un million d'entre eux vivaient dans les grandes villes états-uniennes du Nord-Est. Quoi qu'il en soit, comme dans les deux autres pays frères, c'est vers la fin des années 80 qu'apparaît la contestation. Il y a pourtant eu auparavant des mouvements étudiants. Hein. Ah, on a même vu en 1972 un jeune homme s'immoler par le feu pour protester contre l'occupation soviétique. Mais l'affaire a été rapidement étouffée. Et donc la contestation renaît une quinzaine d'années plus tard. C'est ça. Mais au début, elle n'est pas strictement politique, mais écologique. Ah oui, contre la pollution de la mer Baltique, c'est Une pollution qui est devenue catastrophique et touche au premier lieu la Lituanie qui possède des plages superbes, en particulier sur le littoral de l'isthme de Courland. Les rancœurs lituaniennes sont aussi alimentées par les projets russes de forage pétrolier au large de Kaliningrad. D'ailleurs, l'un des premiers tests a tourné à la catastrophe et des dizaines de tonnes de pétrole sont venues s'échouer sur la côte, ce qui a heureusement mis un terme à cette tentative de prospection. Mais les Lituaniens avaient bien d'autres sujets de mécontentement. Toujours sur le plan écologique ? Oui, et en particulier l'existence en Lituanie d'une centrale nucléaire de type Tchernobyl. Oui, ça, c'est une centrale qui fait peur. Pas forcément. La catastrophe ukrainienne a eu lieu seulement 2 ans plus tôt. Et le nuage radioactif ne s'est pas arrêté aux frontières de la Lituanie. Ah bon ? Toutefois, progressivement, ce mouvement de contestation est devenu plus politique. J'imagine que les vents nouveaux qui soufflaient depuis Moscou n'ont pas dû être étrangers à cette évolution. Bien entendu. Mmh. On a même vu se créer un groupe d'initiative pour la perestroïka. Et déjà, chez certains intellectuels, on voit pointer des revendications plus directement nationalistes. C'est-à-dire ? Bah, ils dénoncent l'immigration russe ou la mise à l'écart de la langue lituanienne dans l'enseignement. Et puis, il y a le passé, qui n'arrive toujours pas à se faire oublier. Et en particulier ce pacte germano-soviétique signé en 1939 qui a permis aux complices Hitler et Staline de décider arbitrairement du sort des pays baltes indépendants au terme d'accords secrets. Et justement, les Baltes voudraient que ces accords secrets soient enfin rendus publics. Et donc que Moscou, d'une certaine façon, reconnaisse ses responsabilités. Et malgré les années, le sujet reste brûlant. C'est si vrai que sur ce thème, une manifestation gigantesque, au moins à l'échelle du pays, regroupe 150 000 personnes à Vilnius au mois d'août 1988. Ouais, désormais, alors, le mouvement est lancé. Et on ne pourra plus l'arrêter. En octobre, ce groupe pour la perestroïka se transforme en mouvement pour la reconstruction lituanienne. Ça judice dans la langue nationale. Et à cette occasion, on voit émerger un homme qui va jouer un grand rôle dans les événements qui vont suivre. Vytautas Landsbergis. Oui, le père de l'indépendance. Hein. Oui, c'est parfois ainsi qu'on l'a présenté, effectivement. Pourtant, rien ne destinait ce musicologue discret, marié à une grande concertiste, à devenir un personnage emblématique et un homme politique particulièrement opiniâtre. En même temps, il faut observer que la contestation gagne la mouvance communiste lituanienne. Le tout nouveau chef du parti, Algirdas Brazauskas, refuse de céder aux pressions de Moscou qui exigent qu'il condamne les revendications d'indépendance. Et c'est une sorte de première dans la sphère communiste. Hein. Mieux, Brazauskas proclame l'indépendance de son parti. Oui, s'affranchit de la tutelle du grand parti soviétique, du parti frère. Ouais, cependant, les Lituaniens, plus prudents que les Estoniens, ne vont pas jusqu'à revendiquer la souveraineté de leur pays. Mais ils sont partie prenante d'une démonstration assez spectaculaire à l'occasion du 50e anniversaire du pacte germano-soviétique. La réalisation d'une chaîne humaine de 560 km qui joint Vilnius à la capitale de l'Estonie, Tallinn, en passant par Riga, en Lettonie. Ouais, parce que ces peuples baltes, hein, considèrent toujours que ce pacte est à l'origine de tout leur malheur. Et qu'ils exigent la publication de ces accords secrets qui ont scellé leur destin. Oui. En attendant, et malgré la création d'une organisation fidèle à Moscou, Gorbatchev est obligé de lâcher du lest. Au début de 1990, il consent, par exemple, à accorder leur autonomie économique aux trois pays baltes. Auparavant, à la fin de l'année précédente, il s'est rendu à Vilnius. Dans quel but, alors ? Ben, il veut faire revenir les communistes lituaniens sur leur décision de rupture avec le parti communiste de l'URSS. Mais c'est une vraie douche froide qui l'attend, car les députés lituaniens viennent de proclamer l'illégalité de l'annexion de leur pays. Gorbi est donc accueilli comme un hôte étranger. Et il en conçoit une grande amertume. Une humiliation. Certainement. Ouais. Parce que confronté chez lui à l'opposition des nostalgiques de Brejnev, il avait un moment espéré faire de la Lituanie une vitrine de la perestroïka. Donc espoir déçu. Et faute politique. Car dès cet instant, le leader soviétique aurait dû comprendre que les Lituaniens ne reviendraient jamais en arrière. Aussi, au lieu des menaces qu'il proférera dès son retour, il aurait été plus sage d'accompagner en douceur le mouvement d'émancipation des Lituaniens. Oui, mais le pouvait-il ? Ah, c'est la vraie question. Cependant, en se braquant, il donnait des gages aux hommes qui, un an plus tard, ordonneraient aux parachutistes soviétiques de faire le coup de feu à Vilnius. Avant de poursuivre, arrêtons-nous un instant sur la personnalité de Landsbergis. En 1991, tout juste après le massacre de Vilnius, Bernard Lecomte, envoyé spécial de l'Express, brosse son portrait. Il n'a ni les moustaches de Valéza, ni la barbe de Solzhenitsyn. Rien qu'une barbiche de petit prof de province, une voix nasillarde qu'on dirait enrhumée, des costumes anonymes. C'est ce personnage effacé, pourtant, qui donne des cauchemars à Gorbatchev. Vytautas Landsbergis, 58 ans, fait déjà figure de héros national. Libre ou captif, cela dépendra des chars soviétiques qui quadrillent son pays, la Lituanie. Auteur d'articles sur la défense de la culture lituanienne, son nom figure naturellement dans le premier groupe d'initiatives qui crée le mouvement national Sąjūdis. Des écolos, des verts, des artistes, des linguistes, décidés à utiliser la perestroïka pour mieux restaurer la souveraineté lituanienne. Sans ambition politique, il rate même la réunion au cours de laquelle il est élu au comité directeur du mouvement. Le petit intello est à vrai dire aussi un formidable joueur d'échecs, fier d'avoir fait égalité jadis avec le grand maître Petrosian. Son combat contre Gorbatchev est l'affrontement de deux champions. Chaque coup est longuement réfléchi, qui peut provoquer un mat. Quoi qu'il en soit, malgré les menaces de Gorbatchev, les Lituaniens vont de l'avant. Mais quand vous parlez de menaces, ce sont des menaces verbales. Certes. Gorbatchev dit par exemple que le sort des pays baltes est en péril. Mais au-delà du discours de circonstance, les Lituaniens peuvent difficilement ignorer que de nombreuses troupes soviétiques stationnent sur leur territoire. Et qu'il serait donc possible de leur ordonner d'agir. À tout moment. Je poursuis. Dès le début de 1990, et malgré les concessions économiques qui leur ont été accordées, les Lituaniens franchissent un pas supplémentaire vers l'indépendance. Ainsi, lors des élections législatives, un scrutin complètement libre, et c'est également une première en URSS, Sąjūdis est majoritaire. Sąjūdis, c'est le parti de Landsbergis. L'ancien parti communiste, rebaptisé Parti du Travail, n'obtient que 30% des suffrages, tandis qu'un autre mouvement favorable à Moscou plafonne à tout juste 8%. Ah oui, c'est une nouvelle gifle pour Moscou. Très naturellement, c'est Landsbergis qui est élu président du Parlement et qui prend de fait la tête du pays. Comment Gorbatchev réagit-il alors? Il est forcément furieux. Il prévient les Lituaniens, si vous voulez la sécession, il faudra nous payer des milliards de roubles d'indemnités et nous garderons le principal port du pays, Klaipeda. Ah oui, ça c'est l'ancienne Memel des Prussiens. Et lorsque le Parlement, nouvellement élu, vote la restauration de la République de Lituanie, on voit des hélicoptères de l'armée rouge survoler Vilnius et lancer des tracts hostiles à l'indépendance. Une indépendance qui a d'ailleurs été déclarée illégale par le Congrès soviétique. Par conséquent, Gorbatchev, si j'ai bien compris, continue à parler, menacer, mais n'agit pas. Et pourtant, les durs du parti ne cessent de le critiquer. Il voudrait par exemple qu'il décrète l'état d'urgence en Lituanie. Et lui s'y refuse. Ça ne peut pas durer comme ça. Et finalement, en avril 1990, il se décide à prendre des sanctions économiques et ordonne le blocus énergétique de la Lituanie. Et c'est d'autant plus facile qu'à part sa centrale nucléaire, le pays est entièrement dépendant de Moscou. Il est donc procédé d'abord à un arrêt des fournitures de gaz, puis c'est l'oléoduc qui est asséché. Le pays est paralysé. Et ne peut attendre nul secours de l'étranger. Le président Bush, questionné par les organisations d'émigrés lituaniens, avoue tout de go qu'il ne bougera pas. Parce qu'il ne peut pas contrarier Gorby. Gorby qu'il sait harceler par les conservateurs. Mais la réaction des dirigeants européens est encore plus cynique, ou réaliste, comme on voudra. De conserve, Mitterrand et Kohl demandent à Landsbergis de se montrer moins intransigeant. C'est-à-dire ? Landsbergis pourrait surseoir à l'application de certaines des mesures induites par l'annonce de l'indépendance. Bref, on lui dit de mettre de l'eau dans son vin, quoi. Et de plier devant Moscou, oui. Car c'est bien cela que ça voulait dire. Parce qu'il fallait sauver le soldat Gorby, qui risquait d'être balayé par les staliniens du bureau politique. Notre ministre des Affaires étrangères, Roland Dumas, a même fait savoir à Landsbergis qu'on devait d'abord sauvegarder la perestroïka. Ouais. On demandait donc aux Lituaniens de se sacrifier pour cette noble cause. Et pourquoi pas, après tout? Mais en fait, en agissant ainsi, on a au contraire renforcé à Moscou le camp des durs. Ça mérite une explication. Oh, c'est très simple. Puisque les Occidentaux avouaient leur impuissance et imploraient même Landsbergistes et les siens de se coucher devant la puissance de l'URSS, les garants du glacis soviétique ne pouvaient pas faire moins et se croyaient maintenant autorisés à pratiquer la politique du gros bâton. Ouais. Mais Gorbatchev, lui, pouvait-il laisser faire ? Gorbatchev, soyons clairs, n'avait qu'une idée en tête, gagner du temps et louvoyer entre les diverses tendances représentées au sein du bureau politique du parti. Et lorsque, écoutant les Occidentaux, les députés lituaniens ont consenti à suspendre la déclaration d'indépendance, il a poussé un soupir de soulagement et a ordonné un assouplissement du blocus. Assouplissement, mais pas salvé. Non, il entendait continuer à faire pression sur les indépendantistes. Toutefois, Gorbatchev n'était pas sorti d'affaire pour autant. Parce que, en URSS même, se dessinait un mouvement d'opinion favorable aux Lituaniens et que d'autre part, les aspirations sécessionnistes des Baltes ne pourraient plus jamais être étouffées. Et au cours de cette paix armée qui a duré une bonne partie de la deuxième moitié de l'année 90, on a vu les recrues lituaniennes refuser de servir dans l'armée rouge. Ah, et pour Moscou, c'était des déserteurs. C'est même allé si loin que Landsbergis a fini par demander à ce que cesse l'enrôlement de ses jeunes compatriotes dans l'armée soviétique. Ouais, ça, c'est un nouveau sujet de rupture. Un durcissement de la position de Moscou qui comprend que les États baltes vont lui échapper si l'URSS ne témoigne pas de sa force. Ouais. Est-ce que ça signifie qu'au Kremlin, les conservateurs gagnent du terrain ? Incontestablement. Et les rumeurs d'intervention militaire se font de plus en plus consistantes. Dès le début de l'année suivante, Moscou, sous le prétexte de contraindre les réfractaires à la conscription, achemine des renforts dans les républiques baltes. Où l'armée rouge est déjà très présente. Et là, Gorbatchev a donc dû forcément donner son accord. Ça me semble évident. Et lorsqu'on envoie des troupes quelque part, il est tentant de s'en servir, non ? Ouais. Surtout que ces renforts ne sont pas tout à fait ordinaires. Ce sont des unités de parachutistes et surtout des bérets noirs du ministère soviétique de l'Intérieur, les trop fameux OMON. Oui, des hommes spécialisés dans le maintien de l'ordre. Et qu'on envoie à chaque fois qu'il y a urgence. Ouais. Par conséquent, pour revenir à la question qui nous occupe aujourd'hui, là, il y a obligatoirement une sorte de préméditation. Et plus tard, Gorbatchev aura bien du mal à affirmer qu'il ignorait tout. Il était quand même le numéro un de l'URSS, et les régiments de paras ne pouvaient pas se déplacer sur le territoire soviétique au gré de l'humeur de leur chef. Et puis, oui, m'excusez cette expression, mais la fédération n'était pas encore tout à fait la pétaudière qu'elle était devenue ensuite sous Eltsine. Ouais. Quoi qu'il en soit, enfin, une action violente, là, à ce moment-là, paraît pratiquement inéluctable. Et en ce début janvier, la tension ne cesse de monter. En réalité, on a bien l'impression que c'est Moscou qui tire les ficelles et fait sciemment monter la pression en suscitant des troubles. Mais comment alors ? Les Soviétiques manipulent cette organisation anti-indépendantiste essentiellement russophone, qu'ils ont créée d'ailleurs. Ils peuvent aussi compter sur les militants communistes qui demeurent fidèles. Mais pour faire nombre, on apercevra aussi dans les manifestations des soldats soviétiques en civil. Et tous ces gens essaient à deux reprises d'investir le Parlement. Ils sont poussés. Par les lances à eau des pompiers, oui. En même temps, les paras et les bérets noirs investissent certains lieux stratégiques de la capitale, tandis que Landsbergistes, rejoint par des milliers de sympathisants, s'enferme à l'intérieur du Parlement. Décidé à résister. Hein. Oui, car on a alors l'impression que c'est un scénario à la hongroise ou à la tchèque qui est en train de s'écrire. L'intervention des blindés de l'armée rouge. Des blindés qui ont déjà commencé à pénétrer dans Vilnius et ont pris position autour des bâtiments sensibles. Toutefois, pour éviter le pire, Landsbergistes décide alors de s'adresser directement à Gorbatchev. Et le 12 janvier, il décroche son téléphone et appelle le Kremlin. Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud, sur France Inter. Avant de voir si cette dernière initiative de Landsbergis pourra sursoir au drame, je vous propose une brève analyse de la politique de Gorbatchev et de ses desseins les plus secrets. Je l'ai trouvé dans un livre passionnant, des entretiens entre Bren Scowcroft, conseiller à la sécurité nationale sous la présidence de George Bush Senior, et Zbigniew Brzezinski, ancien conseiller de Jimmy Carter. C'est Scowcroft qui parle, je le cite. À mon avis, Gorbatchev considérait la glasnost non comme une voie vers la démocratie, mais comme un moyen pour rendre l'Union soviétique plus efficace et plus productive. Depuis Brejnev, le pays avait connu une succession de dirigeants malades ou séniles et il stagnait depuis des années. Gorbatchev, je pense, croyait être en train de revigorer le régime et non de le remplacer. L'un des moyens pour cela était d'alléger le fardeau de la terreur et de la répression. Le problème est qu'il n'a pu amener le parti sur sa ligne de conduite. Aussi a-t-il menacé d'organiser des élections dans le parti et d'en éjecter les « sales types », »,« sales types », entre guillemets. C'est ce qui a réellement déclenché la glissade. Par sa manière de réagir, Gorbatchev a semé les germes de sa propre destruction et de celle de l'Union soviétique. Cet ouvrage, « L'Amérique face au monde », a été publié en 2008 chez Pearson. Gorbatchev ne répond pas à l'appel téléphonique de Landsbergis. Il est, paraît-il, injoignable. Enfin, c'est en tout cas ce qu'affirme son secrétaire. Et ça vous semble crédible? J'avoue que j'ai des doutes. Mais il est vrai que le numéro 1 soviétique est alors très préoccupé par la crise du Golfe. Et la guerre qui s'annonce. Gorbatchev vient même d'envoyer à Bagdad son conseiller Primakov, avec mission de circonvenir Saddam Hussein, alors que l'ultimatum de l'ONU va prendre fin. Aussi, à défaut de pouvoir parler personnellement à Gorbatchev, Landsbergis s'entretient avec son chef de cabinet, Boldin. Et que lui dit-il alors? Il le supplie de tout faire pour arrêter les chars. Et donc, d'intervenir auprès de Gorbatchev afin qu'il prenne cette décision. Oui, mais apparemment, le chef de cabinet s'abstient d'alerter son patron. Ah oui, alors pourquoi? Cette question est en effet cruciale, et j'essaierai d'y répondre. Mais auparavant, il me faut vous dire que ce Boldin, qui est le plus proche collaborateur de Gorbatchev, peut estimer avoir la situation en main. Il est en liaison permanente avec le maréchal Yazov, qui commande les troupes soviétiques en Lituanie. Mais il communique aussi régulièrement avec le chef du KGB, Kryuchkov, et le ministre de l'Intérieur, Pougo. Et retenez bien ces noms, car nous ne tarderons pas à en reparler. Ce Boldin, c'est ça, hein, est donc parfaitement informé. Et pourtant, il ne fera rien pour apaiser la situation. Et sur place, vous savez ce qui se passe. Dans la nuit, Para et Oman, appuyés par des chars, donnent l'assaut à la tour de la télévision. Une tour qui est occupée par des militants lituaniens. Oui, mais enfin des gens qui ne sont pas armés. Et c'est le massacre. 14 personnes sont tuées, dont certaines ont été écrasées par les blindés. Et cette fois, Gorbatchev est quand même mis au courant. Le lendemain matin, oui. Cependant, les premières informations qu'on lui donne sont non seulement parcellaires, mais mensongères. Plus précisément, là. On lui dit que ce sont les séparatistes qui ont choisi d'ouvrir le feu. Oui, alors, classique ça. Les soldats n'ont donc fait que riposter. Et le bilan est falsifié aussi. Il n'y aurait que 2 morts. Mais attendez, comment vous pouvez être certain qu'on lui a menti à Gorbatchev? Autant je suis sûr que Gorbatchev a joué avec le feu en permettant l'arrivée des renforts et de chars en Lituanie, autant je crois qu'il a été volontairement laissé dans l'ignorance lorsqu'il s'est agi de donner l'assaut à cette tour de télévision. Alors selon vous, il a donc été placé devant le fait accompli une fois perpétré le massacre? Ça me paraît hautement probable, oui. Par conséquent, vous laissez entendre qu'il y a eu complot. Et je vous ai déjà donné une piste quand je vous ai demandé de retenir tous les noms que j'ai cités. Les Boldin, Yazov, Kryuchkov ou Pougo. Tous. Vous m'entendez? Tous seront partie prenante du putsch du mois d'août suivant. Ouais. Et ce n'est pas un hasard. Bien évidemment. Ouais. Alors dans ce cas, le massacre lituanien aurait été une sorte de répétition? On peut en effet l'imaginer. Mais en organisant cette affaire-là, quel était l'objectif poursuivi par ces apprentis putschistes? Ça me semble clair, non? Ils voulaient d'abord casser l'image de Gorbatchev. L'image, l'homme de la perestroïka. Qui était aussi, comme vous le savez, le chouchou des Occidentaux, à défaut de l'être dans son propre pays. Dorénavant, Gorbi serait un dirigeant soviétique qui aurait du sang sur les mains. Car sérieusement, personne ne pourrait imaginer qu'il n'était pas responsable du massacre. D'autant qu'une semaine plus tard, en Lettonie, l'armée rouge interviendra encore de manière sanglante. Mmh. Et à l'ouest, alors, justement, comment réagit-on ? La popularité de Gorbatchev est sévèrement entamée. Et le président Bush exprime son indignation, ce qui entraîne le leader soviétique à répliquer de façon peu amène. Là encore, ça satisfait pleinement les futurs putschistes. Parce que leur second objectif est d'enfermer Gorbatchev, qu'il le veuille ou non, dans une posture d'artisan de la répression. Et donc, de le pousser à consentir à un durcissement du régime. Ce qui se passe effectivement. Oui, Gorbatchev décrète certaines mesures qui vont dans ce sens. Et on observe aussi une montée en puissance du KGB dans les organes dirigeants. Et donc de son chef, là, Khrushchev. Ce dernier apparaît alors comme le garant de la sécurité de l'URSS et de son intégrité territoriale. Car ça commence à craquer un peu partout. Les unes après les autres, les anciennes démocraties populaires exigent le démantèlement des bases militaires soviétiques installées chez elles. Mais l'important n'est pas là. Cette toute-puissance du KGB fait aussi de cette instance un organisme de contrôle de l'économie. Bah, n'est-ce pas ce qu'avait souhaité son ancien patron, Yuri Andropov ? C'est tout à fait ça. Et ça permettra alors, plus tard, à Poutine, après la parenthèse Yeltsin, de s'emparer sans coup férir de la plupart des entreprises de la Russie avec la complicité de ses ex-compagnons du KGB. Vous voyez donc que tout cela vient de très loin. Ouais. Mais si vous le permettez, alors quand même, revenons à la Lituanie. Hein. La tragédie de Vilnius ne peut que renforcer les sentiments nationalistes et anti-russes dans ce petit État. C'est évident, c'est pourquoi je pense que les vraies responsabilités dans cette sanglante affaire doivent être partagées. Toutefois, je vous demande encore un peu de patience avant de voir ce point précis. La suite, donc. Un mois après les événements de Vilnius, les Lituaniens se prononcent par référendum sur l'indépendance de leur pays. Le résultat est attendu. Le oui l'emporte à 90%. Et en juillet 1991, Boris Eltsine, qui vient d'être élu triomphalement à la présidence de la Fédération de Russie, s'empresse de reconnaître cette indépendance des Lituaniens. Boris Eltsine qui a déjà engagé le fer avec son ennemi Mikhail Gorbatchev, qui demeure encore, lui, président de l'URSS. Mais plus pour longtemps. En août, c'est donc le putsch des conservateurs. Une prise de pouvoir, du pouvoir, qui va faire long feu. Mais qui permet à Eltsine de se poser en sauveur, et même en sauveur de son adversaire Gorbatchev. Toutefois, souvenez-vous, je vous ai déjà parlé de ce putsch et de ses secrets. Bon, je ne vais pas me répéter, mais à l'époque, je vous ai dit clairement qu'il y avait eu connivence entre les conservateurs à l'origine du putsch et les hommes de Eltsine. Oui, et puis Eltsine qui est le grand vainqueur après ce putsch raté. Bon, alors si on cherche à qui a profité le crime, je résume. Eltsine et les siens, c'est-à-dire tous ces libéraux qui voulaient en finir avec l'URSS, avaient des antennes au KGB. Ne serait-ce que parce qu'Eltsine avait obtenu de créer un KGB à lui. Oui, un KGB russe. Oui, un nouveau service formé d'anciens agents du KGB soviétique. Par conséquent, Eltsine pouvait se faire entendre. Et à mon avis, ses collaborateurs ont poussé les futurs putschistes à passer à l'action. Bon, ça n'a pas dû être très difficile tant ces néo-staliniens étaient décidés à en finir avec la perestroïka. Mais Eltsine n'a pas été le seul à les manipuler. Gorbatchev aussi, qui a participé à ce poker menteur. Mais quel était son intérêt à lui ? Le président soviétique, surtout après l'affaire lituanienne, était au creux de la vague. Et il voulait rebondir de façon spectaculaire. D'autre part, il savait très bien qu'un putsch se préparait. C'était presque un secret de polichinelle. Même à Washington, on était au courant. Le président Bush en avait personnellement averti son homologue soviétique. Mais comment pouvez-vous affirmer de manière aussi directe que Gorbatchev savait parfaitement qu'un coup d'État se préparait ? Il avait une taupe au sein de la direction du KGB qui l'informait régulièrement. Par conséquent, s'il l'avait voulu, il aurait pu agir avant le déclenchement de ce putsch. Mais il a fait exactement le contraire. Et il a poussé volontairement les putschistes à la faute. De quelle façon, alors ? Avant le coup d'État, en juillet, il a fait courir le bruit qu'il allait prochainement limoger tous ces hommes qui occupaient d'éminentes fonctions. C'était comme agiter un chiffon rouge devant un taureau. Et ça n'a pas manqué. Ils ont précédé leur éviction du pouvoir en déclenchant le putsch. Et Gorbatchev, alors, en agissant ainsi, prenait quand même un sacré risque, après tout. Ce putsch pouvait réussir, non ? Oui, je suis d'accord, mais Gorbatchev avait de bonnes informations. Il était à peu près certain que cette tentative de coup d'État échouerait, parce qu'une grande partie de l'armée ne suivrait pas. Par conséquent, à la faveur de ce putsch qu'il ne manquerait pas de rater, Il espérait ainsi se débarrasser définitivement de ces barons du régime qui lui empoisonnaient la vie et compromettaient en permanence ses tentatives de réforme. En outre, il pensait aussi prendre ses distances avec les dirigeants du complexe militaro-industriel qui étaient liés aux conservateurs. Et il comptait surtout ainsi redorer son blason. Ah oui, en avait bien besoin. Ouais. Mais ce que Gorbatchev n'avait pas prévu, c'est que Eltsine tirerait les marrons du feu à sa place. C'est pourquoi je vous ai parlé d'un jeu de dupes. Les deux grands rivaux se sont également servis des putschistes. Mais c'est Eltsine qui a emporté la partie. Et dans l'affaire lituanienne, parce que c'est quand même de ça dont on parle aujourd'hui, on a assisté alors aux mêmes complicités. Oh, bah, c'est certain. Eltsine avait fait savoir à Landsbergis qu'il était son meilleur allié et que Gorby, à terme, était condamné. Alors, il a donc poussé le dirigeant lituanien à faire preuve d'intransigeance. Et c'est pourquoi je vous ai parlé de responsabilité partagée. Et encore, ne vous ai-je pas parlé des Américains qui suivaient l'affaire très attentivement et ont sans doute secrètement dispensé au moins des encouragements aux baltes indépendantistes. Pour être tout à fait honnête, il faut enfin donner la parole à Gorbatchev et donc se référer à son livre de mémoire publié en 1995. L'ex-leader soviétique écrit d'abord ceci. Il fut décidé qu'une délégation du Soviet de la Fédération partirait immédiatement pour Vilnius. Le même jour, le 12 janvier, je déclarai publiquement que la crise serait résolue par des moyens politiques. Mais avant l'arrivée des membres du Soviet, dans la nuit du 12 au 13 janvier, la tour de la télévision de Vilnius et la station de la radio furent prises d'assaut avec la participation de troupes soviétiques. Il y eut des pertes humaines. Le mécanisme qui a conduit à l'action armée cette nuit-là n'a jamais été élucidé. On n'a pas pu déterminer qui précisément avait donné un tel ordre après la réunion du Soviet de la Fédération et la décision d'envoyer des plénipotentiaires en Lituanie. Et un peu plus loin, Gorbatchev écrit encore quelques mois plus tard. Au cours de l'enquête sur la tentative de putsch d'août 1991, le parquet découvrit des documents se rapportant à l'affaire de Lituanie. Dans un texte intitulé « Rapport sur la mission à Vilnius », un paragraphe indique « Après l'adoption par les instances de la décision sur l'opération de la nuit du 12 au 13 janvier, on a procédé au calcul opérationnel des forces et des moyens. Il y a donc eu, ajoute Gorbatchev, des instances. Mais dans la mesure où le président et son soviet de la Fédération s'étaient prononcés en faveur d'une solution politique, quelles pouvaient bien être ces instances? Une question qui sonne aussi comme un aveu d'impuissance. Trois livres enfin, « La fin de l'Empire rouge » de Roland Jacquard, « Les états baltes » de Yves Placereau au Seuil, « Les prédateurs du Kremlin » qui vient de paraître, 1917-2009 d'Hélène Blanc et Renata Lesnik, où il est notamment question des pays baltes. Vous trouverez les références de ces ouvrages sur franceinter.com. À samedi prochain, merci à Michel Billou, Rebecca de Nantes et Monsieur Joub. Et tout de suite après le flash, CO2, mon amour, de Denis Chessou, on part à la campagne.